Join me on RIG. Oh, la marché, c'est un contour de Nexo. RIG 90.7. Je cherche plus, c'est 90.7. émissions et 409 fois le plaisir de vous retrouver ici sur RIG pour une saga des Fab Four, chaque fois renouvelée, chaque fois différente, chaque fois avec un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album à vendre des Beatles, For Sale, j'allais dire Pour Sale, non, For Sale, en 1964. Quelle très très belle année, il paraît que des légendes sont nées cette année-là. On écoutera No Reply, Babies in Black, Rock'n'Roll Music, I'll Follow the Sun, Words of Love et Everybody's Trying to Be My Baby. Voilà, ce sera pas mal. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, Junk, préparé avec les Beatles sur le premier album de McCartney en 1970 qui s'appelle McCartney. Et pour Lennon, ce sera eh bien. Quelquefois, il avait les titres faciles. Well, Well, Well, sorti en 70 aussi sur l'album Plastic Ono Band. Pour Harrison, ce sera Run of the Mill sur All Things Must Pass. Et Ringo Starr nous chantera Love is a Man is Splendid Thing. Da, da, da, da, da, da. Mais il chantera mieux que moi. Ce sera également en 70 sur l'album Sentimental Journey. Pour le reste, je vous convie à aller sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four pour pouvoir parler avec moi et avec vous surtout. Et puis tout va très très bien se passer. Eric n'est pas là ce soir, donc on va faire un petit peu les prolongations comme la semaine dernière. Mais un petit peu juste. Ne comptez pas sur moi pour aller jusqu'à minuit. Je ne peux pas actuellement le faire. Voilà. Bref, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de cette saga des Fab Four numéro 409 qui commence dans quelques secondes. This happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'll forgive the lies that I heard before. Said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man. in my place. No reply, no reply. Pour profiter pleinement du succès des Beatles à l'approche des fêtes de Noël, Parlophone pressa le groupe à mettre en boîte un nouvel album un mois après la sortie de A Hard Day's Night. Et alors qu'ils écument en même temps les scènes internationales à une cadence infernale. C'est naturellement en réaction à cette pression qu'ils l'intituleront ironiquement Beatles for Sale. Si les visages vaguement amorphes qu'ils affichent sur la pochette trahissent leur fatigue, c'est un autre indice qui renforcera ce sentiment d'épuisement. Après avoir composé à la chaîne leur propre matériel, ils se replient ici sur 6 reprises de standards du rock pour achever de remplir à la hâte ce disque de 14 titres. Parmi les compositions originales, Paul a dû même ressusciter de ses carnets d'adolescents I'll Follow the Sun, l'une de ses premières chansons, ce qui n'est aucunement à déplorer tant il s'agit là d'une lumineuse ballade acoustique où les harmonies vocales de Lennon et McCartney font un nouveau merveille. Avec seulement 3 nouveaux titres à son actif, John s'essouffle momentanément, mais il gagne en finesse ce qu'il perd en productivité, et en particulier dans des textes sensiblement plus mûrs et étoffés. No Reply et I'm a Loser en témoignent, tout en perdant un peu de l'insolence brillante de son inspiration sur A Hard Day's Night. C'est main dans la main qu'il a composé avec Paul la mélancolique Babies in Black, ainsi que What's That You're Doing, qui est autre chose. McCartney, pour sa part, n'est guère plus prolifique que John, mais il pond néanmoins l'un des classiques du disque, 8 Days a Week, inspiré d'une formule empruntée à chauffeur de taxi. Il y a d'autres textes qui disent que c'est Ringo qui aurait dit « Oh là là, on bosse 8 jours par semaine ». Voilà. Et l'entraînant Every Little Thing, composé pour sa fiancée, la comédienne Jan Escher. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ce brillant album « Beatles for Sale ». Et je vous propose d'écouter McCartney, « Junk » sur RIG. Handlebars, bicycles for two, broken-hearted jubilee, parachutes, army blues, sleeping bags for two, sentimental jamboree. nibble, I could eat a. Well, well, well. À la fin, il doit dire un truc certainement, c'est bon, j'en ai assez, j'en peux plus. Voilà, John Lennon à l'instant, Well, Well, Well, une guitare tendue, presque grunge, se combine à l'une des parties de batterie les plus violentes de la carrière de Ringo, car oui, Ringo est présent sur ce titre pour accompagner des vignettes illustrant la vie quotidienne de John et Yoko. Des interludes amoureux sont décrits ainsi que la tension ressentie par eux lorsqu'ils s'adressent au monde extérieur, le tout menant à des hurlements sauvages, oui, mais avec talent dans le cas de John Lennon. Dans le premier couplet, John trouve sa femme si belle qu'il pourrait la manger. Un progrès par rapport à la première version qui disait « She looked so beautiful, I could we ». Elle était si belle que j'aurais pu en mouiller mon pantalon. Ben dis donc. Autre ambiance, toujours en 1970, « Run of the Mill », George Harrison sur RG. fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Franchement, au sortir des Beatles, on ne s'attendait pas à en trouver un dans ce chemin-là. C'est Ringo qui le fait. En 1970, il a même sorti deux albums. Un album de chansons style rétro, comme ce que vous venez d'entendre, et un album country enregistré à Nashville, qui s'appellera Bokoops of Blues. Et c'est très bien dans les deux styles. Il est vraiment très très bon, Ringo Starr, là-dessus. Frankie sur Facebook dit ça fait un petit peu Dean Martin. C'est pas faux, la voix est différente quand même, mais le style, oui, Dean Martin a adoré ce genre de musique et c'est plutôt très très bien. Nous avons écouté tour à tour les Beatles, McCartney, Lennon, Harrison et Starr. Nous allons re-entendre les Beatles, mais pour tout nouvel arrivant dans la saga, on ne sait jamais, même après 409 émissions ici sur RIG et depuis 1984, il est toujours possible que vous écoutiez pour la première fois sur 90.7 peut-être, ou sur www.rigfm.fr. Il faut que je vous conseille un site pour tout savoir sur les Beatles. Ce site, il est tenu par Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. In black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? She thinks of him and so she dresses in black, and though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Think of her, but she thinks only of him, and though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? Sans qu'on puisse vraiment s'en plaindre, les Beatles ont su combler ce déficit créatif de cet album Beatles for Sale en déployant avec panache leur savoir-faire en matière de reprise d'un rock'n'roll auquel ils ont biberonné. Et c'est presque la dernière fois qu'ils en feront sur disque une si convaincante démonstration. John Lennon dégage une rare vigueur sur Rock'n'Roll Music, le classique de Chuck Berry. George Harrison exécute avec aisance un très honnête Everybody's Trying to Be My Baby de Carl Perkins, auquel Ringo emprunte aussi un Honey Don't. Enfin, Paul McCartney brille tout particulièrement dans sa version hargneuse et chaloupée du medley Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, plus 4 et voilà. Il fait aussi son numéro de charme avec le très mélodique Words of Love de son idole Buddy Holly. Dans la discographie du groupe, Beatles for Sale fait généralement figure de disque mineur, même si le public ne le ressentit pas ainsi, en lui allouant dans les classements une première place devenue traditionnelle. Nous dirons plutôt qu'il est moins novateur dans la mesure où il s'agit là de la seule fois où le groupe ne fera pas la démonstration d'une sensible évolution. Mais cette très passagère baisse d'inspiration n'enlève rien à l'alchimie générale que les Beatles ont continué à mettre au point. Ils ont fait de leur inimitable sonorité une marque de fabrique gagnante, et si tous les groupes en panne sèche étaient capables de pondre des disques aussi réussis, ça se saurait. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ce disque-là. 1963, Devil in the Heart sur RIG. Long, long, long, long. Oh, oh, yeah. I'm defunct. Cette chanson est restée inédite jusqu'en 1998. Elle paraît sur l'anthologie John Lennon, l'anthologie Ascot, anthologie 1, donc sortie en 1998. Et c'est vrai que les chansons qui avaient été écartées des albums n'étaient pas forcément très bien. Surtout le problème que je trouve à John, c'est, vous l'avez entendu, il parle avant, il parle après. Quelquefois, dans certaines démos, il s'arrête carrément et il parle. Donc, s'il y a moins de suivi, c'est difficile de garder quelque chose de bien. Mais celle-là sort du lot. Celle-là est plutôt sympa. Et donc, je voulais vous la proposer dans la saga des Fab Four. Voilà, on va passer à une chanson qui va plaire à Julie, si elle écoute. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Bon, sont également écartés en 1980 mais revenus sur le remastering. Voici Blue Sway sur RG. Quelques 4 minutes et quelques de bonheur musical instauré, distillé par Paul McCartney. RG 90.7, c'est la radio des Beatles.

like a mambo. It's way too early for the Congo to keep a rocking that piano. That's why I go for the rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't blues it. Any old time you use it, all it's got rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Eh ben on l'a eu là, le cha-cha boom. Bien, c'était sur RIG pour un disque fait à la va-vite. Moi, j'aime bien quand même. Hein. C'est très, très bien fait. Je vous propose de remonter les années, mais franchement, de passer de 1964 à 2007 et 2008 par un double McCartney. D'abord, Mr. Bellamy, ensuite Highway sur RIG. Does this une chanson taillée pour la scène. Il l'a fait d'ailleurs sur scène. C'est dommage qu'il ne le fasse plus. D'ailleurs, si je pouvais lui donner un conseil à Paul McCartney, je lui dirais, essaie de passer So Glad to See You Here en entrée de concert. Tout le temps je le ferai, jusqu'à ce qu'il ne soit plus sur scène, c'est-à-dire jamais. Le moment romantique de l'émission. Your Love is Forever, l'une des plus belles chansons de George Harrison en 1979 sur un album qui s'appelle George Harrison. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles et l'émission s'appelle La Saga des Fab Four. Chanson, superbe album de 1979. On retrouve les Beatles par deux fois, d'abord avec A Hard Day's Night, enfin l'album A Hard Day's Night et la chanson I Cry Instead, et ensuite extrait de l'album de la semaine Beatles for Sale, la fameuse chanson I'll Follow the Sun, qui est une vieille chanson tirée des tiroirs, mais quelle belle chanson. I got every reason on earth to be mad, 'cause I just lost the only girl I had. If I could get my way, I'd get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when

Paul McCartney. Was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging under the moon, heading into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Came so close to the edge of defeat. Too long, now I wanna come home. Home, where there's nothing but sweet surrender to the memories from afar. Home, to the place where the truth lies waiting. But it's been too long, now I wanna come home. Single en 2010 de Paul McCartney pour un film. Le film s'appelait Everybody's Fine. Et lorsque j'ai entendu cette chanson en écoutant les paroles, j'avais eu très peur à l'époque parce que je me disais, il a envie de raccrocher ou quoi ? C'est un peu le thème des paroles, de rentrer chez soi, il est bien, il est resté trop longtemps dans la lumière, il a envie maintenant d'être tranquille, etc. Je me suis dit, oulala. Et en fait, non. C'était simplement une demande pour un film et c'est exécuté avec bonheur puisque c'est une très très belle chanson. J'estime que c'est facilement un classique de Paul McCartney sans aucun problème. Je vous propose de retrouver Ringo Starr dans une chanson de 2008. La preuve que lui aussi sait se maintenir avec l'âge parce qu'il est, je trouve qu'il est meilleur de mieux en mieux. Et cette chanson, vous l'aimez, je l'ai passée pendant pas mal de temps et puis je l'ai oubliée un petit peu. La revoici. Voici Harry's Song sur l'album Liverpool 8. Ringo Starr sur RG. Songs of long ago, never fast and not too slow,

L'album Help, donc en 1965, Ticket to Ride. Et je me souviens sur YouTube, je crois avoir vu un reportage de plusieurs batteurs connus, dont les noms m'échappent, mais il y en a plusieurs en tout cas, et qui parlent de l'influence de Ringo Starr sur la musique des Beatles. C'est, par exemple, cette chanson-là. Et le gars disait, on pourrait la jouer comme ça. Puis il fait boum, boum, boum, tacata, boum, boum, boum. Et puis plein de roulements, etc. Ça peut se faire. Mais on peut aussi le faire de la manière la plus simple possible, où il n'y a rien en trop, surtout. C'est juste parfaitement ce qui colle à la chanson. Et c'est le tch-tch, boum, comme ça, que vous venez d'entendre, qui est absolument parfait. Ringo Starr, c'était ça. C'était un sens du rythme. D'abord, un métronome, puisqu'il arrivait vraiment à regarder le tempo sans bouger du tout pendant aussi longtemps qu'il le fallait. Et surtout, n'hésitez pas à varier, à faire quelque chose de différent, essayer d'être créatif pour le bien des Beatles. Et c'est très réussi. Merci Ringo Starr, et continue encore. Pendant si longtemps, j'ai du mal à penser qu'il va avoir 79 ans au mois de juillet. Ça me paraît complètement fou. Allez, l'album de la semaine, l'album Beatles for Sale, et ce titre sirupeux, mignon comme tout, Words of Love sur RIG. And tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. To hear, darling, when you're near. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Quelques secondes sur RIG 90.7, un Ringo Starr que je n'ai peut-être jamais passé, Mystery of the Night, sur l'album Why Not, et ce sera suivi par Move of Missile, la face B d'un titre sorti en 1900, je crois que c'est de Stand By Me, en 1975 par John Lennon sur l'album Rock and Roll. C'était resté une face B et c'est sur des compiles avec John Lennon. Donc Ringo et John à suivre sur RIG. comes love, here comes light. Here comes darkness, moving slowly in tonight. Across the room, unlock the door. These are moments like I've never had before. I hear your footsteps coming near. It's the sound I love to hear. And you fall right into me. It's destiny. You can hear the angels sing. Something feels so right. We don't even have to say the words. I can feel the world. Feel our love's alive, living in the mystery of the night. And remember who I used to be. Before there was you, here loving me. You were always in my heart. We'll be right back. sent bien hein, qu'il s'agit des sessions de l'album Rock'n'Roll. Il y a la même, le même orchestre derrière, en tout cas, ça se sent bien. Et c'est furieusement rock'n'roll. J'aime beaucoup John Lennon quand il joue du rock'n'roll comme ça. Revenons en arrière sur les albums Rubber Soul et Revolver. Donc les Beatles par deux fois. D'abord Ringo, What Goes On, et puis Taxman, George Harrison avec les Beatles. Yeah, I'm the tax man.

love itself. It does not exist. It is existence itself. It does not know. It is knowledge itself. How to know God? Page 130. They brainwashed my great uncle, brainwashed my cousin Bob. They even got my grandma when she was working for the mob. Brainwash you while you're sleeping, while in your traffic jam. Brainwash you while you're weeping, while still a baby in your prime. Brainwashed by the military, brainwashed under duress. Brainwashed by the media, you're brainwashed by the press. Brainwashed by computer, brainwashed by mobile phones. Brainwashed by the satellite, brainwashed to the bone. Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Hara Hara Hara Hara Mahadeva. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Franchement, 1 minute 30 de ça, c'est pénible, mais bon. George Harrison, on peut lui laisser ça quand même. Il reste 21 secondes. Ça s'appelle des mantras. Je suis pas fan. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 409 que vous écoutez. Et elle n'est pas finie puisque comme Eric n'est pas là, nous allons prolonger. Vous voyez, là en principe, Speed of Sound qu'on va écouter, qui est de Ringo Starr sur l'album Give More Love, je vais y arriver. C'était le dernier et ça correspond à peu près puisque après ce titre-là, le générique, et c'est bon, on laisse la passer Eric. Mais Eric n'est pas là. Donc j'ai programmé, je crois, 21 minutes ou un truc comme ça, je n'arrive pas à lire d'ici. De plus, et donc, nous allons prolonger un petit peu, monsieur, dame, si vous le voulez bien. Ringo Starr en 2017, Speed of Sound sur RIG. I'm on the road. I'm on the run. Don't wanna look back at what I've done. So many miles yet to go. Some days are high, some days are low. I know what I've got to do. Devrait se terminer maintenant, j'ai décidé de vous proposer une autre cover. Le groupe, parce qu'il s'agit d'un groupe totalement hétéroclite, puisque chaque membre est quelque part dans le monde, et on a réuni tout ça avec des casques et tout ça, des enregistrements. C'est le groupe Playing for Change, dans l'album Songs Around the World, qui date de 2009, et le titre du morceau, c'est Stand By Me, sur RIG. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Le clip de ce morceau-là, parce que c'est vraiment très très sympa. On les voit sur plusieurs parties du monde faire les chœurs pour quelqu'un qui est à Los Angeles alors qu'ils sont en Inde, j'en sais rien. Je dis ça n'importe comment, mais c'est plutôt sympa. Et il y a un papy qui a une grande barbe, qui a 3 dents et demi dans sa bouche, et c'est lui qui chante très très bien. Enfin, les autres chantent bien aussi, hein, mais c'est plutôt sympa. Alors sur Facebook, il y a Yann qui m'a attiré l'attention en disant que l'intro de batterie de Speed of Sound est la même que sur la chanson Got My Mind Set on You. Comme on a un petit peu le temps, comme on est sur une radio locale et on peut se permettre des choses, écoutons d'abord l'intro de Speed of Sound. Maintenant, l'intro de Got My Mind Set on You. Ouais, ça ressemble un petit peu. Allez, pour la peine, on laisse la chanson. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set. It's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time passé 22h sur RIG. En principe, il devrait y avoir l'émission d'Eric Johnny de A à Z, mais il n'est pas présent. Alors, on prolonge un petit peu de quelques titres. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, il faudrait que je parle correctement, nous avons laissé échapper des chansons de Paul McCartney sur l'album Back to the Egg. Loin de moi l'idée de recommencer. Par contre, passer du Paul McCartney, pourquoi pas. We're so sorry. Around.

termine l'émission avec une autre chanson que j'adore sur cet album-là. Ça n'est pas celle qui a été promotionnée par les autres radios, c'est celle que j'aime particulièrement, elle me touche, et là, les paroles sont belles, c'est Do It Now. Got the time, the inclination, I have answered your invitation, I'll be leaving in the morning, watch me go. Certain, that's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave aviez envie d'écouter l'autre bonus de cet album. Voici le dernier extrait, Nothing for Free. Il transforme sa voix, mais c'est drôlement bien fait quand même. Something. know you need something. You're talking to me. You're talking to me. I know you need something. What can it be? No, what can it be? I know you need something. You're talking to me. But you don't get nothing for free. Okay. Tout le monde à bord. L'aventure se termine dans quelques secondes, le générique. Je sais, vous auriez voulu que ça dure jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, plus encore, mais pas cette fois, une autre fois peut-être. Merci d'avoir écouté la saga des Fab Four, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. A bientôt, bisous aux filles, aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 409, en route pour la 410e, la semaine prochaine. Ciao.